20-26, activation orale, avoir le temps. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Pourquoi est-ce que le garçon de la closerie ne lit pas? Vous répondez? Il n'a pas le temps de lire. 2. Pourquoi est-ce que tu ne lis pas? Je n'ai pas le temps de lire. 3. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas, vous deux? Mais nous n'avons pas le temps de lire. 4. Pourquoi est-ce que vos enfants ne lisent pas? Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ouais, regarde la télé. 5. Pourquoi est-ce que votre fille ne lit pas? Parce qu'elle n'a pas le temps de lire. 6. Pourquoi est-ce que vos parents ne partent pas en vacances? Ils n'ont pas le temps de partir en vacances. 7. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de karaté? Je n'ai pas le temps de faire du karaté.